et qui vous tend encore la main en vous souhaitant une heureuse année, suivie de plusieurs autres. Vous dites que vous n'avez plus de monnaie, mais n'espérez pas esquiver l'entrevue. Guguste sera demain à votre petit lever. Me croyez-vous maintenant, monsieur? Sortirez-vous encore au jour de l'an? Non, non, la leçon est complète. Le dépit est peint sur votre physionomie, et vous jurez, mais un peu tard, qu'on ne vous y prendra plus. Fin du chapitre 20, lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009.